Vas-y, écoute-moi, assis-toi. Faut que t'entendes ce qu'il y a en moi. Je t'aime, et nos promesses sont les mêmes. Je lâche sans cesse des mots qui te blessent. Je voulais que tu me connaisses à fond la caisse. J'assume mes conneries, je fume mes petits. Un jour je serai parfait. Faut plus te blesser, pas te laisser, mon amour. T'as agressé, t'es resté gravé dans mes pensées. Je veux pas qu'on s'engueule, faut juste qu'on s'explique sans panique. Je dis pas qu'à rien qui touche mes sentiments. Mais là c'est toi et moi, et personne dira que je mens. La méfiance n'est plus en moi, dans mes bras. J'influence comme une alliance, un jour à ton doigt. Vas-y écoute-moi, assis-toi, écoute-moi. Faut que je te dise ce qu'il y a en moi. Vas-y écoute-moi, assis-toi. Faut que t'entendes ce qu'il y a en moi. Je t'aime. J'imaginerai pas ce que je ferais si tu me tromperais. Juste si tu l'embrassais, te l'achèverais. Si je verrais que tu lui as donné la main, même de loin, je lui pèterai les siens. Je deviendrai malade, je lui pèterai l'arcade. Y'aurai plus d'espoir, tu pourras même plus me voir. Te faire croire que je t'oublierai, je dirai au revoir à jamais. Je pourrais me transformer, c'est mon côté dégénéré. Juste pour un soir, une histoire d'un soir. La haine que j'aurai, j'arracherai tous les rochers. Je ferai des fissures dans un mur tellement c'est dur. Ça me rendrait dur. C'est pour ça qu'un soir tard, je trouverai un pétard. Et je l'abattrai comme un bâtard. La jalousie, les soucis ne sont pas nos amis. On peut se casser le cou, mais on tiendra jusqu'au bout. Et même si je me répète, c'est toi et moi perpète pour la vie. Vas-y écoute-moi, assis-toi, écoute-moi. Faut que je te dise ce qu'il y a en moi. Vas-y écoute-moi, assis-toi. Vas-y écoute-moi, assis-toi, écoute-moi. Faut que je te dise ce qu'il y a en moi. Vas-y écoute-moi, assis-toi, écoute-moi. Vas-y écoute-moi, assis-toi. Faut que je te dise ce qu'il y a en moi. Vas-y écoute-moi.